بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc l'explication de ce sous-chapitre qu'on a commencé la semaine dernière. Et on a vu que l'auteur, rahimahullah, dans ce sous-chapitre, il nous cite aussi des textes donc montrant l'importance de l'union des gens de science. Et donc il nous cite un hadith qui monte jusqu'à Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qui dit « Kuntu ukri'u Abdurrahman ibn Auf, falamma kana akhiru hajjatin hajjaha Umar, faqala Abdurrahman بمنا لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلان يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. Et donc Ibn Abbas il dit, je faisais Abdurrahman ibn Auf réciter. Je faisais Abdurrahman ibn Auf réciter. Et lorsqu'est venu le moment du dernier pèlerinage de Omar, alors Abdurrahman a dit, Amina, si tu avais assisté au prince des croyants quand un homme est venu et a dit si le prince des croyants, c'est-à-dire Omar, venait à mourir, alors j'aurais porté allégeance à un tel. Alors Omar radhiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, il a dit « لِأَكُومَنَّ الْعَشِيَّةِ فَأُحَذِّرُ هَؤُلَاءَ الرَّهْدِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ » Il a dit donc « Je vais parler durant cette soirée, je parlerai et je mettrai en garde contre ces gens, ce groupe, qui veulent priver les gens de... et qui veulent affaiblir les gens. » C'est-à-dire qu'ici, il aborde un sujet, les frères, c'est le sujet du gouverneur. Cette personne, elle a dit, si le prince des croyants venait à mourir, alors moi, j'aurais porté allégeance à un tel. Là, tu es en train d'aborder un sujet, c'est un sujet qui est lourd, un sujet qui est grave, un sujet qui est important, un sujet qui peut faire beaucoup de fitna, et peut faire couler beaucoup de sang. Le sujet du gouverneur, qui va gouverner ? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons, ils connaissent la sunna, le fait que lorsqu'une personne meurt, il faut se précipiter pour faire le lavage mortuaire, le mettre dans son linceul et l'enterrer. La sunna, c'est qu'il faut faire vite. Ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs jours après sa mort. Les compagnons. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu d'abord se décider et choisir qui allait les gouverner. Parce qu'ils savaient que c'est un sujet sensible, un sujet important, un sujet à ne pas prendre à la légère. Et donc, ils ont d'abord choisi le gouverneur et ensuite ils ont attiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar, il a entendu cela, il a dit, ce soir, je vais faire un discours et je vais mettre en garde contre ces gens qui veulent affaiblir la communauté. Kultu la taf'al, fa inna al-musima yajma'u ra'a an-nas wa yaghlibuna ala majlisik. Il dit, ne le fais pas, car la période du hajj, elle rassemble tout le monde, les plus jeunes, les plus ignorants, etc. Et ces gens-là, c'est eux qui vont assister à ton assise. C'est eux qui seront présents. « Fa'akhafu an la yunziluha ala wajhiha fayutiru biha kullumutir » Et donc il dit, « J'ai peur que ces gens-là ne comprennent pas ce que tu dises. » Et qu'ensuite, après cela, il propage ton discours. Parce que là, c'est le hajj. Il y a tout le monde. Et donc, c'est pas... Attends, pas maintenant. فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة دار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. Alors attends jusqu'à ce que tu reviennes à Médine, la demeure de l'émigration, la demeure de la sunna, et que tu sois seul, que tu sois isolé, c'est-à-dire que tu ne seras pas avec tout le monde, et que tu sois avec les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajiroun et les ansar. Et donc il lui a dit, attends que tu sois avec les sahaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'Efka, ce sujet-là, ça ne concerne pas tout le monde. Aujourd'hui, les gens, ils prennent les habitudes qu'il y a dans les pays incroyants. Dans les pays qui n'appliquent pas la charia, du moins. Les pays qui n'appliquent pas la charia, le gouverneur, il est choisi par le vote. Tout le monde va voter. Hein? Il y en a un, il est en train de dealer de la drogue. Demain, il va aller voter, choisir qui gouverne le pays. Il y en a un, il fait du sihr, de la sorcellerie. Il va aller choisir qui gouverne le pays. Il y en a un, il fait de la fornication. Il va aller choisir qui gouverne le pays. Il y en a un, il fait du shirk. Il va aller choisir qui gouverne le pays. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un sujet qui concerne tout le monde. Et donc, en islam, ce cercle, c'est quelque chose qui concerne les gens de science et les gens qui ont autorité. C'est eux qui choisissent le gouverneur. C'est eux qui choisissent le gouverneur. Et donc, ils lui ont dit, attends jusqu'à ce que tu sois avec les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu aborderas ce sujet. فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكْ وَيُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا. Et à ce moment-là, ils vont mémoriser ce que tu diras. Et ils vont comprendre ce que tu diras. Ils vont le comprendre correctement. Et donc, Omar radiallahu anhu, il a dit, وَاللَّهِ لَأَكُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَكُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. Il a dit, par Allah, je le ferai dès mon arrivée à Médine. Et donc, Omar radiallahu anhu, il a écouté le conseil. Alors que c'est lui le gouverneur. Et il fait partie, donc, c'est le deuxième meilleur de cette communauté après Abu Bakr. Et donc, Omar radiallahu anhu, il a écouté le conseil. Et ça nous montre les mérites qu'il y a dans cela. Le fait d'écouter les conseils. De ne pas prendre les gens de haut, c'est moi qui décide, c'est moi ci, c'est moi qui ai plus de science, et c'est moi. Non. C'est important de savoir écouter les conseils qui nous viennent des gens. Et donc, il y a dans cette histoire, barakallahu fikoum, ici l'auteur, il nous récitait cette histoire de manière résumée. Mais en réalité, ce qu'il y a dans cette histoire, c'est le fait que les compagnons, ils ont été unanimes. Ils ont été unanimes. Ce qui est voulu ici, en fait, le sujet, le débat ici, c'est le fait que les compagnons, ils ont été unanimes lorsqu'ils ont choisi Abu Bakr. Lorsqu'ils ont choisi Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Et donc ici, on voit l'unanimité des gens de science. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appelés à l'union, à l'unanimité. Le hadith d'après, l'auteur qui nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ayoub, d'après Mohammed, qui dit « Kunna inda Abi Hurairata radiallahu anhu wa alayhi thawban mushammaqani min kattan. » Et donc Mohammed, ici ce qui est voulu, Mohammed ibn Sirin, qui fait partie des grands savants de la communauté musulmane. Il dit, Ibn Sirin, il dit, nous étions auprès de Abu Huraira. Ibn Sirin qui fait partie des tabi'in. Il ne fait pas partie des compagnons. Il n'a pas rencontré le prophète. Et donc nous étions auprès de Abu Huraira radiallahu anhu. Et il avait sur lui deux vêtements, deux parures qui étaient couvertes de lin. Deux parures couvertes de lin. Bahin. Abu Huraira yatamakhatu fil kattan. Alors là, Abu Huraira, parmi les sens de tamakhata, il y a le fait de se moucher. Se moucher, tu prends ton vêtement ou alors se nettoyer le nez. Il a nettoyé le nez avec son vêtement. Un vêtement une parure avec du lin, et donc c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Et là il dit bahin, c'est une expression chez les Arabes pour montrer l'irjeb, c'est surprenant. Et celui qui dit ça, c'est Abu Huraira lui-même. Il dit, oh, c'est comme s'il disait, Masha'Allah. Aujourd'hui, les gens utilisent le terme Masha'Allah pour, parfois pour dire, ah, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Et donc, Masha'Allah, Abu Huraira, il essuie son nez avec donc, un vêtement qui a, donc, un vêtement avec du lin. Le kadra eituni wa inni. وإني لأخر فيما بين منبر رسول منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي. Il dit je me rappelle. Donc là il nous dit, il nous a d'abord montré sa situation où il est dans une situation d'aisance, hein? Une personne qui va s'essuyer le nez avec un vêtement qui a de la valeur, une situation d'aisance. Et il dit je me rappelle. Lorsque je tombais, c'est-à-dire presque évanoui, entre le minbar du messager d'Allah et la chambre de Aïcha, radiallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam, marchiyan alayya, et donc je tombais évanoui. Fayadji'u al-ja'i, fayad'u rijlahu ala unuqi. ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. Et c'est là que quand j'étais par terre presque évanoui, une personne venait, mettait son pied sur mon cou pour regarder qu'est-ce que j'avais, et les gens pensaient que j'étais fou, mais non, je n'étais pas fou, mais j'avais faim. La seule chose que j'avais, c'était là, c'est que j'avais faim. Abu Huraira, radiallahu anhu, il nous montre ici, les frères, que il s'est fatigué pour avoir la science. C'est-à-dire, là, il est dans ce vêtement de parure qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé, et il nous montre la différence entre les deux situations. La situation qu'il a à cet instant où il parle, où il est dans une situation d'aisance, etc., et avant cela, la situation où il n'avait pas de quoi se nourrir et qu'il tombait évanoui devant chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'efforçait d'étudier la science. Abu Huraira, le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fatigué pour avoir du ilm. C'est pour ça que l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih, il nous cite une parole très importante, la yunalul ilmu birahatil jasad. Nous ne pouvons pas atteindre la science avec le repos du corps. Si tu penses que c'est en te reposant, en dormant, en si, en aller chercher de l'argent, etc., que tu vas atteindre la science, tu ne vas pas l'atteindre. La science, ça demande des sacrifices. Que tu sacrifies du temps, que tu sacrifies de l'argent, etc., etc. Ça demande des sacrifices. Abu Huraira, radiallahu anhu, il a fait des sacrifices. Et c'est ça qu'il nous montre ici. Lorsqu'il dit « Bakhin, Bakhin ». Et donc, il nous montre ici, il met en valeur ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Comme Allah dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ». Et concernant les bienfaits de ton Seigneur, alors parle-en. Et donc, il parle des bienfaits que son Seigneur lui a accordé. Et il le montre. Et ainsi, il nous montre les efforts que doivent faire les étudiants en sciences pour apprendre cette religion et pouvoir la propager. Aujourd'hui, c'est rare qu'on fasse une assise de science et qu'on n'entende pas Abu Huraira. Parce qu'il a rapporté énormément de hadiths. Et donc, il est très souvent cité Abu Huraira dans les assises de science. Parce qu'il a rapporté énormément de hadiths. Pendant que d'autres travaillaient, lui, il restait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre de la science et il patientait sur la faim jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et donc ici, donc on comprend ici, barakallahu fikoum, l'importance d'endurer. D'endurer lorsqu'on apprend la science. Lorsqu'on apprend la science pour pouvoir profiter correctement. Le dernier hadith qu'on va voir ce soir, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, voilà, on va l'aborder la semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.